Oh, dunia, maneno mingi. wawam la malakosye.

et tu t'en vas. Quelque chose a changé pour toi et moi. Tu le sais très bien. On va se quitter. On était si bien. Jamais je ne t'oublierai. Tu m'as apporté des joies et des peines. Tu m'as transformé. Était-ce bien la paix? Je t'ai tout donné. Plus le même. L'amour d'un été, on y quand on s'aime. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, reste avec moi. Je ne veux pas me passer de toi. Je veux vivre avec toi. Thank you. Mutuna mutu kazonza gwandi Mina mana zonza mabilombo Mambu mabwidi mamandae Yati meno Mwana nikale gwani meno Chajepo Do it. Thank you. Bona nit, Anna. Ni passo de mendre no ve. Bona nit, la ve. mose mama o osi bola bobe loke longe di fizi ndongo mama o Comme un filet sous tes doigts, j'ai été pris. C'est pour cela que j'ai perdu la raison. Comme un filet sous tes doigts, j'ai été pris. C'est pour cela que je suis dans le besoin. C'est pour cela que je suis dans le besoin. Oui, c'est le plus grand besoin. C'est pour cela que je suis dans le besoin. Ya Timi Kayona, Mangi wala onini be. Ya Timi Kayona, Mangi wala onini be. Na mula nende mondi kalabo.

batate midimanyu losibo di bobe bisomese di binika ndeyende betese di bamundi mawasi Juventus, bye bye. Babo, baby. Naima wasa, naima wasa, naima wasa. Cette musique, mais mélancolique. Cette musique, je l'envoie par le vent du soir à celle que j'aimerais revoir. la mulane. Thank you. Me

Thank you. mosango eba bana mapula nde mosango eba Les poissons aiment l'eau, les oiseaux aiment l'air, mais moi je t'aime. Papa, oh, jale, je t'avais donné tout mon populaire.

de l'amour. C'est même quoi dire. Et c'est qui, quelle histoire est beau. Mon mari n'est pas gentil, pas du tout. Mandolo, maintenant, guinongue, y'a mouyenga, quelle histoire est beau. Mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. Mandolo, maintenant, guinongue, y'a chantier, quelle histoire est beau. When it est bon, et mon samba, y'a des banaï. When it est bon, et papa, y'a des longues. Oh, mon les mamés, bah, oui, ah, oui, aïe, n'a mais aïe. Namiyae, nagakaya di lungae. Ayo, mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. Mandolo, madangi, nongue, ya sekuye. Quelle histoire est beau. Ayo, mon mari n'est pas gentil, pas du tout. Mandolo, madangi, nongue, ya mouyenga, e kenungae. Ayo, mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. A tout, consomme de la bonne. Na place, c'est comme si gama, digama, sa bouturi. Quelle histoire est beau. Ayo, mon mari n'est pas gentil, pas du tout. Mandolo, manongi, nongi, amuyenga, kelunga, oh. When it is bon, et moussamba, et de banai. When it is bon, et papa, et de longa, oh. Mule mame, ba, we, ah, we, ah, name, ah, name, ah, nataka, ya, di longa. Ayo, mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. Mandolo, matibi, des rois de circuit. Cousin, cousin, cousin, cousin de sa cousine. Ah, il y a quelque chose là. C'est cousin, cousin, cousin, cousin. na domo lundu tue do kwere kwere Mekeski ya e Omo C'est grave Non, non, non, les cousins là, ensemble. C'est cousin de sa cousine. Elle est de mon nom, tu es de Wéré Wéré. Mais qu'est-ce qu'il y a? Maman, n'a pas cousin de ça. Mais les mamies, les mamies de main, de deux, c'est ça. C'est chic, c'est bon pour la vie. Mais maman, qu'est-ce que je n'ai pas, papa, mais pourquoi? bane ba me an de longe, e bane ba me an de dolor, yo bane ba me an de chagrin, e bane ba me an de amour, yo bane ba me an de argent. Yeah.

La masa son de Monica mon amour. Bene. Moto. Cesse.

Okanga kanga na mubeli moni olobe kateo. Okanga kanga na mubeli moni. kati banyu bima tenge nemba Mboko mwanyu mama u Bikwati banyu bima tenge nemba Na makwane ndelo babu ya tena Abate mbalu Na mabele ndelo babu ya tena Abate mbalu Asango, we are Mandelier. sangoson ongwane tomba kebolo bani mogo minda pon la dasi dasi la lato una tonge ma sisi ma sisi nuee nuee Samamboa Nyue Nyue Ematema yombai O Cameroon Nyue Nyue Ematema yombai Swing, swing, up and down Nyue Nyue Ematema yombai Nyue Nyue Il a beaucoup à te dire, mais me laisse en bas, mais de Dieu je vais mourir, mais me laisse en bas, mais me laisse en bas, maou maou. Aïe, moi pas connais pas les français, qui parlait pour moi, qui parlait pour moi. Aïe, aïe, moi pas connais où les français. Allons croquer café, un pour toi, un pour moi. Est-ce que tu as déjà vu ça? Soukouma, soukouma, ma soussou. Pédaler, pédaler. Police secours, appelez. bravo, bongolo bongolo, bomi na bito, bongolo bongolo. Je te salue d'abord, hein. Matou a mandado. Madou a mandado. Telefone. Papa, oh, what planning? Qu'est-ce que tu veux? On est le monde. nyango na mondo dada no bani weki na moto de wo plande je wa bese de di wa ni challenge mama Dipia somba ninga dipia maninga Aya kwa wate ngato Mama mundi na vena langu ya pundese tena Wapote telephone mambo bende Tungene mambo bagi kizani Pundana pundana pundana pundana pundana pundate Solete telephone mambo bende Nongi ya nimo bagi kizani Pundana pundana pundana pundana pundana pundate Everybody sing, everybody sing so much I'm les belles femmes et la vie. Oh mamie, voulez danser. Mamie, voulez danser. Oh mamie, voulez bouger. Oh mamie, voulez bouger. Oh mamie, voulez causer. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé alors? La vie lui a donné la misère. La vie lui a donné la joie. La vie lui a donné le chagrin. Oh mamie, voulez danser. Oh Dieu, dans alors. Oh mamie, voulez danser. Mamie, voulez danser. Mamie, voulez bouger. Mamie, voulez bouger. Mamie, voulez causer. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé alors? La vie lui a donné la misère. La vie lui a donné le choupi. La vie lui a donné le charret. Oh mamie, voulez danser. Mamie, oh, danse alors. C'est prêt? Partez au Cameroun. On danse, on bouge, on tombe. Afrique divinienne de liberté, mignonne du Bernicac. En Côte d'Ivoire, on danse, on bouge, on bouge. Afrique divinienne de liberté, mignonne du Bernicac. Au Cap-Vert, on danse, on bouge, on tombe. Afrique divinienne de liberté, mignonne du Bernicac. Seulement en Afrique du Sud, nos frères pleurent, ils veulent la liberté. Nous chantons pour votre liberté, mes frères. Au Mali, Nagaï, au Samou, des mailles associées. Allez, Bayon, allez, Bataka, en bien, bien, bien, bien. Associé à Polinga, à vos des mailles associées. Allez, Bayon, allez, Bataka, en bien, bien, bien, bien. Associé à Polinga, à vos amis associés. Allez, Bayon, allez, Bataka, c'est ça l'Afrique. On bouge, on danse. Tournez-moi ça. On bouge. On vit. On danse. Tournez-moi ça comme on fait. Québa, québa, québa, québa. Yonce, yonce, yonce, yonce. Et associé à Belinda, y'a mon démarre. Associé, oh, eh. Associé à Bolinga, y'a mon ami. Associé, oh, eh. Vrai vraiment na me bien na shonya ni bo à l'amour. Tu rigoles, va pas na me bien na un bois jaloux. I'm not putting the bookie on, but I'm on my own way. I'm not putting the bookie on, but I'm on my own way. Nesona. Amna muto ndo bukimbae, ala na momba mongoe. Ayobo bukimbae, nimele loko bozo. Amna muto bukimbae, ala na momba mongoe. dibo wa bobe. Ola malati na na dibo wa sese. Ola malati na dibo wa mbuwe. Ola malati na dibo wa sese. Bobo inuwe o. Ola nanga pon tige budu tiba na mene pon de wanda tinde ba. Atele temi soma mie. Asimene pon pewa. Yane kenyo malambo o mesele soyo ma sese wimbanda. Ponte, wonder.